السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله تبارك وتعالى nous a informé dans son noble livre qu'allait survenir des épreuves et cela fait partie de son décret. Il a en effet dit Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ألف لام ميم. Les gens pensent-ils que nous allons les laisser dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui sont venus avant eux, et c'est ainsi que se confirme ce qu'Allah sait de ceux qui disent la vérité et de ceux qui mentent. De même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé qu'allaient survenir des troubles et des dissensions. En effet, l'imam Abu Daoud a rapporté d'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il va survenir avant l'avènement de l'heure des troubles comme des parcelles de nuit obscures. L'individu s'y retrouvera croyant au matin et mécréant le soir. Celui qui restera assis sera meilleur que celui qui sera debout. Et celui qui sera debout sera meilleur que celui qui marche. Et celui qui marche sera meilleur que celui qui court. » Ses compagnons de dire, que nous ordonnes-tu de faire à ce moment-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répondre, soyez les gardiens de vos demeures. L'imam muslim a rapporté d'après Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce même contexte, empressez-vous d'accomplir des œuvres avant que ne surviennent des troubles durant lesquels l'individu se retrouvera au matin croyant et le soir mécréant, jusqu'à la fin du hadith. On retrouve donc l'ordre de s'empresser à multiplier les actes d'adoration durant ces périodes de troubles, ces mêmes périodes que connaît la communauté musulmane depuis un bon moment, à tel point qu'elle ne sort pas d'une d'entre elles sans entrer dans une autre, et c'est à Allah qu'on demande le secours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam détailla le contenu de ces troubles et dissensions. Parmi eux, le fait que les ennemis de l'islam s'en prendront aux musulmans et ce, à cause de la négligence de ces derniers. En effet, l'imam Abu Daoud a rapporté d'après Thauban, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les communautés sont sur le point de se jeter sur vous comme les conviés se jettent sur leur plat qui leur est présenté. » Les compagnons de dire « Est-ce que ce sera à cause de notre petit nombre ce jour-là, au messager d'Allah ?» Et ce dernier de répondre, « Non, vous allez plutôt être nombreux, mais vous serez nombreux comme l'écume de la mer, et Allah va ôter des poitrines de vos ennemis la crainte qu'ils avaient de vous, et va mettre dans vos cœurs al-wahn. » Mais comprenons de dire, « Qu'est-ce donc qu'al-wahn, au messager d'Allah ?» Et ce dernier de répondre, « Sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'amour de ce bas monde, et le fait de détester la mort. » Nous retrouvons dans un autre hadith rapporté également par l'imam Abu Daoud que d'après Ibn Umar radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque vous aurez recours à Al-Ina » Il faut savoir qu'Al-Ina est une sorte de vente usuraire et qui est donc une vente interdite. Le prophète a donc dit « Lorsque vous aurez recours à Al-Ina » que vous vous mettrez à suivre les queues des vaches, que vous vous satisferez des plantations. Et tout cela renvoie à l'amour de ce bas monde cité dans le hadith précédent, le hadith de Thauban. Donc ces trois premiers points renvoient à l'amour de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de continue en disant, et que vous délaisserez la lutte dans le sentier d'Allah, renvoyant cette fois-ci au fait de détester la mort. Mentionné dans le hadith de Thauban. Et que vous délaisserez la lutte dans le sentier d'Allah, alors Allah va vous faire subir une humiliation à laquelle il ne mettra un terme que lorsque vous reviendrez à votre religion. On en conclut que les causes de cette faiblesse et de cette situation sont internes. Et parmi ce qui concourt à l'apparition de cette faiblesse et caractérise l'éloignement de la religion annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'innovation religieuse, al-bid'a, qui consiste à ajouter à la religion ce qui n'en fait pas partie. Ces innovations sont donc venus se rajouter à cette religion complète et parachevée qui n'accepte ni la modification, ni l'augmentation, ni la diminution. S'en est suivi l'apparition de la division qui avait été annoncée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a en effet dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, et ma communauté va se diviser en 73 groupes. Tous sont en enfer sauf un, et c'est Al-Jama'a. Al-Jama'a, c'est le groupe uni sur la vérité, ou en d'autres termes, le fait d'être sur la vérité, même si tu es tout seul, comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. On retrouve ce sens dans une autre version de ce hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont ceux qui sont sur quoi je suis aujourd'hui, moi ainsi que mes compagnons. Et c'est là donc une explication du sens Al-Jama'a. Al-Jama'a qui constitue le groupe sauvé et la faction secourue. C'est ainsi qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des groupes déviants apparurent, les Khawarij, qui se sont entre autres égarés dans des questions liées à la mécréance, notamment le statut dans l'islam du musulman qui commet des grands péchés, et celui du gouverneur qui juge avec autre que ce qu'Allah a révélé. Ce groupe-là s'est ainsi isolé de la communauté, a statué de la mécréance d'une grande partie de cette dernière, et fut la cause de nombreuses effusions de sang. Puis les Qadariyya sont apparus, qui se sont quant à eux égarés dans le sujet du destin. Puis les Shi'a, suivis des Mu'tazila, suivis des Jahmiya, et comme il est dit à chaque peuple, ses héritiers. C'est ainsi que de nos jours, nous trouvons les successeurs de ces groupes, y compris au sein de certains mouvements, utilisant l'islam à des fins politiques telles que le mouvement d'Al-Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans. Il faut savoir que les ennemis de l'islam utilisent en vérité ces groupes-là et ces mouvements se réclamant de l'islam afin de semer le trouble au sein de la communauté musulmane. Ils en vont même jusqu'à financer, aider et fournir des armes à certains de ces groupes-là afin de les aider à se révolter et à se soulever contre les gouverneurs musulmans. Quel étonnant et flagrant paradoxe que de les voir d'une part aider ces mouvements déviants et concourir à l'apparition des troubles qu'ils causent, et que nous constatons avec tristesse dans les pays musulmans, et d'autre part regretter les résultats amers des troubles qu'ils ont eux-mêmes causés. Ils cherchent donc à soulever les peuples contre leurs gouverneurs, salissent l'image de ces derniers, et enfin aident et financent les groupes rebelles à se révolter contre eux, et par la suite déplorent le fait qu'il y ait des personnes en partance de leur pays vers ces zones de troubles-là. Ils se retrouvent donc prisonniers de leurs propres agissements et se retrouvent donc dans la contradiction en étant les causes de l'apparition de ces troubles-là, d'une part, puis par la suite en déplorant les conséquences des troubles et dissensions qu'ils ont eux-mêmes causés. Pire encore, ils accusent les gens de la Sunna qui traitent ces problèmes à la racine en expliquant la religion de l'islam de manière authentique conformément au texte du Coran et de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. Ils les accusent d'être à l'origine de ces troubles, dont ils sont innocents. Effectivement, la conformité à la Sunna, à la voie des pieux prédécesseurs, qui n'est autre que as-salafiyya, est la réelle solution à ces problèmes que rencontre le monde actuel. Il est donc important et impératif de répéter et d'insister sur certains des fondements qui caractérisent cette voie. Basons-nous par exemple sur le hadith de l'Irbad ibn Sariyah, qui dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé à ses compagnons une exhortation qui a fait frémir les cœurs et pleurer les yeux, à tel point que les compagnons ont dit « Ô messager d'Allah, c'est comme si c'était l'exhortation de quelqu'un qui fait ses adieux. Fais-nous donc une recommandation. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire alors, je vous recommande la crainte d'Allah, l'écoute et l'obéissance, même si celui qui vous dirige est un esclave abyssin, car celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Cramponnez-vous donc à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés. Mordez-la à pleines dents et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation et toute innovation est un égarement. Citons aussi le hadith que l'imam Muslim rahimahullah a rapporté d'après Abu Huraira, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah agrée pour vous trois choses, et il en réprouve trois autres. Il agrée pour vous que vous l'adoriez, et que vous ne lui accordiez aucun associé dans son adoration, et que vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah, et que vous ne vous divisiez pas. Et dans une version rapportée par l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, dans son musnad, et que vous soyez d'un conseil loyal vis-à-vis de ceux qui vous dirigent. On retrouve au travers de ces deux hadiths, le hadith d'Al-Irbad et le hadith d'Abu Huraira, des bases fondamentales de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, qui n'est autre que la salafia, comme nous l'avons dit précédemment. Parmi ces bases fondamentales, la sincérité du culte vis-à-vis d'Allah, et le fait de s'écarter de l'associationnisme qui consiste à adorer autre qu'Allah en plus que d'adorer Allah, qui constitue le plus grave des péchés et la plus grande des injustices. Allah tabaraka wa ta'ala a dit à propos de l'associationnisme: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, mais il pardonne en dehors de cela des péchés moins graves à qui il veut. Deuxième base fondamentale de cette voie, de la salafia, le fait de se cramponner tous ensemble au câble d'Allah, qui n'est autre que la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, et ne pas se diviser. Donc ici on retrouve ce principe d'union, qui doit être un principe basé sur la vérité, qui doit être atteint par la vérité, en visant par là la vérité, l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et sa récompense dans l'au-delà. Troisièmement, l'écoute et l'obéissance aux dirigeants musulmans, et le fait d'être d'un conseil loyal vis-à-vis d'eux. Et ces trois principes-là, ces trois bases fondamentales, nous les retrouvons donc dans les hadiths que nous avons mentionnés, notamment le hadith rapporté par l'imam Muslim d'après Abu Huraira. Et comme l'a dit le shir de l'islam, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, il n'y a aucune défaillance qui ne survienne dans la vie des serviteurs, que ce soit leur vie relative à ce bas monde ou celle relative à leur religion et à l'au-delà, sans que tu ne trouves un manquement dans tout ou partie de ces trois fondements-là. Tu te rends donc compte de l'importance de ces trois fondements que nous venons de mentionner, et du fait de leur importance, on va les répéter. Premièrement, la sincérité du culte vis-à-vis d'Allah et le fait de s'écarter de l'associationnisme. Deuxièmement, le fait de se cramponner tous ensemble au câble d'Allah et de ne pas se diviser. Troisièmement, l'écoute et l'obéissance aux dirigeants musulmans et le fait d'être d'un conseil loyal vis-à-vis d'eux. Quatrième base fondamentale que nous retrouvons notamment dans le hadith d'Al-Irbad ibn Sariya, le fait d'être méfiant vis-à-vis des innovations et de leurs adeptes et mettre en garde contre eux. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Cramponnez-vous donc à ma sunna et à celle de mes califes bien guidés, mordez-la à pleines dents et méfiez-vous des choses nouvellement inventées en religion, car toute chose nouvellement inventée en religion est une innovation, et toute innovation est un égarement. Et cela inclut forcément le fait de mettre en garde également contre les adeptes de ces innovations, car ces innovations ne sont pas des choses qui se diffusent et se propagent par elles-mêmes, mais il y a des gens qui viennent en faire la promotion et participer à leur diffusion et propagation. Il est donc important de mettre en garde contre eux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit, comme l'a rapporté l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Abu Huraira, vont apparaître des gens qui vont se présenter à vous avec des choses que ni vous ni vos ancêtres avaient entendues dans la religion. Méfiez-vous donc d'eux, qu'ils ne vous égarent pas et ne vous induisent pas en erreur. Ou comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en insistant sur ces deux derniers points, à savoir l'obligation et l'impérativité de l'écoute et de l'obéissance aux dirigeants musulmans et du fait d'être d'un conseil loyal vis-à-vis d'eux, et d'être méfiant vis-à-vis des innovations et de leurs adeptes et de mettre en garde contre eux, on se rend compte qu'elle est salafie, par la grâce d'Allah et sa permission, sont la cause du fait que de nombreux maux, troubles et dissensions sont écartés, étant donné qu'ils traitent à la racine ces problèmes de takfir. Le takfir, c'est le fait de statuer de la mécréance de quelqu'un. Et les problèmes donc liés au takfir, au terrorisme, et également à la rébellion et au combat présenté par les innovateurs et les ennemis de l'islam comme étant le djihad, alors qu'en vérité, bien souvent, ils sont bien loin du véritable djihad prôné par la religion. Et c'est pour cela que tu ne trouveras pas parmi les salafis des jeunes qui s'en vont participer à ce genre de combat qui ne sont en rien légitimés par la religion, contrairement à ce que les ennemis de l'islam voudraient faire croire, et ce, afin d'écarter la masse des gens de la vérité et de ses adeptes. Ils cherchent à semer le doute dans l'esprit des gens, en sous-entendant que les salafis auraient selon eux un double discours, alors que le message des salafis est un message qui est en tout point clair, transparent, et il n'y a donc pas de double discours. Contrairement à ce qu'ils voudraient faire penser, qu'Allah nous préserve de leurs mots. Il est donc impératif d'insister sur ce sujet, sur la position que doit adopter le musulman vis-à-vis des gouverneurs musulmans d'une part, et d'autre part vis-à-vis des innovateurs, afin qu'ils s'écartent de ces derniers qui sont similaires à des scorpions qui, comme le disait l'imam al-Barbahari, cachent leur queue dans le sable, et lorsqu'ils ont obtenu la confiance de leur proie, et les trouvent inattentifs, viennent les piquer et diffuser en eux leur venin, qu'Allah nous en préserve. C'est pour cela qu'il est impératif de s'écarter totalement des innovateurs, de ne pas tomber dans la complaisance avec eux, et de mettre en garde contre eux et leurs égarements, car comme il est dit, mieux vaut prévenir que guérir. Et tu te rendras compte que ceux qui, concrètement, se retrouvent pris dans les filets de ces innovateurs, ont beaucoup de mal à en sortir. Et nous aurons l'occasion de parler des différents groupes et mouvements innovateurs actuels, tels que les takfiris en tout genre, que ce soit les frères musulmans, parmi lesquels les Qutbi, les Sururi, ou encore les Haddadi, ou d'autres parmi les takfiris, qui sont à la base des troubles que nous dénonçons. Il faut savoir que les frères musulmans jouent un rôle prépondérant dans tous ces troubles que nous venons d'évoquer de manière brève et résumée. Et il faut savoir que les frères musulmans, ils ont deux orientations. Une orientation qui est ouverte. Et ce sont les frères musulmans qui sont reconnus comme tels. Et une orientation plus restreinte, constituée des Qutbi, des Sururi, et également des Haddadi. Il faut savoir que, de manière générale, les takfiri, en tout genre, insistent sur des points liés à la question de la mécréance, comme nous l'avons vu précédemment. Notamment le statut dans l'islam du musulman qui commet des grands péchés, et celui du gouverneur qui juge, avec autre que ce qu'Allah a révélé. Et nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises d'aborder la position de juste milieu des adeptes de la Sunna concernant ces questions-là, notamment lorsque nous avons traduit le livre écrit par le noble shir, le défunt Abdussalam ibn Barjas, intitulé Al-Mu'taqad al-Sahih, la croyance authentique. Tu trouveras que les takfiris en tout genre insistent sur ces sujets-là afin de donner à la masse des musulmans une mauvaise compréhension erronée qui va les mener à des choses bien plus graves par la suite, car ils souhaitent par cela préparer le terrain à la rébellion contre les gouverneurs musulmans. Et il y a une nouvelle tendance, la tendance de la Haddadiyya, qui endosse le costume de la salafie, si on peut s'exprimer ainsi, et qui insiste sur des sujets bien précis, tels que le sujet de l'excuse par l'ignorance, en tendant vers le fait de nier de manière absolue qu'il y ait une quelconque excuse par l'ignorance dans les sujets relatifs au dogme. Et ils insistent également sur d'autres questions qu'ils présentent comme étant uniquement des questions d'ordre scientifique. Et en vérité, ils veulent par là mener la jeunesse salafie à ce vers quoi veulent les mener les takfiri, qui sont reconnus comme tels, parmi lesquels les frères musulmans et également les qutbiyoun et les sururi que nous avons mentionnés précédemment. Il est donc important de connaître cela et de ne pas se laisser berner et avoir par les ruses de ces innovateurs qu'Allah nous préserve de leurs maux. Il faut savoir qu'il y a un autre mouvement que l'on pourrait considérer comme étant une antichambre du takfir et du terrorisme, qui n'est autre que le mouvement Tablir, se présentant comme un mouvement pacifiste et apolitique, dans le sens où ils prétendent qu'ils ne s'intéressent pas du tout à la politique, donc ils se réclament comme étant un mouvement apolitique, alors qu'exercent en son sein bon nombre d'individus déviants à tendance révolutionnaire. On peut donc considérer que le mouvement Tablir est une rampe de lancement vers le takfir. Et il faut savoir que de manière générale, ces innovateurs-là se rejoignent dans plusieurs points. Notamment le fait de chercher à éloigner la jeunesse musulmane des ulama, les savants de la sunna, afin de pouvoir se charger eux-mêmes de leur éducation et de leur inculquer les bases que nous avons pu aborder et dénoncer durant ces quelques minutes. Il est donc impératif d'être au point concernant ces sujets-là et d'assimiler les fondements que nous avons pu citer, de même qu'il est impératif d'être fidèle à la Jama'a, le groupe uni sur la vérité, et d'être lié aux savants de la sunna. C'est là quelque chose de primordial, surtout à une époque dans laquelle l'ignorance s'installe et dans laquelle la science disparaît. Comme l'avait annoncé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'a rapporté de lui l'imam muslim d'après Anas ibn Malik, radiyallahu an, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, fait partie des signes précurseurs de la fin des temps, le fait que la science disparaisse et que l'ignorance s'installe. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué comment allait survenir cette disparition, dans ce qui fut rapporté de lui par Al-Bukhari et Muslim d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As. Certes, Allah ne reprend pas la science en l'arrachant des poitrines des serviteurs, mais il la reprend plutôt par la mort des ulama, à tel point que lorsqu'il ne reste plus de savants, les gens commencent à prendre comme tête des ignorants vers qui ils reviennent et qu'ils questionnent. Ces derniers leur répondent et ainsi s'égarent et égarent. Qu'Allah nous préserve de tout cela. Et on se contentera donc de ces quelques phrases en tant que bref exposé de la position de la salafie vis-à-vis des troubles provoqués par le takfir. Et en tant que mise en garde adressée à ceux et celles qui entendront ce modeste message. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.